On va parler de soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'espacesoccer.com. Une bombe hier est survenue. Les 12 équipes européennes, et c'est des grandes puissances du soccer européen, ont décidé de créer une super ligue qui devrait arriver en 2024. Ça va rentrer directement en compétition avec la Ligue des champions. Or, ce que ça fait pas l'affaire, c'est la grosse affaire en Europe. Déjà, il y a l'UEFA qui a sorti, qui a mentionné que... qui a mentionné qu'elle allait peut-être même poursuivre un petit peu les 12 équipes. On en parle avec Benoît Lavoie d'Espace Soccer. Salut Benoît. Salut dans Radio Sport. Salut Danny. Ben oui, c'est une grosse bombe. Ouais. Ça fait longtemps, Danny, que ces clubs-là, comment je te dirais, que ces grosses nations-là, le foot business qu'on appelle, c'est ces clubs-là qui amènent ça. Hein. C'est sûr que c'est toujours ces clubs-là qui se retrouvent gagnant la Ligue des champions. De temps en temps, on a une surprise. Mais là, écoute, c'est 12 canons européens. On parle des trois gros clubs en Liga espagnole, Barcelone, Madrid et l'Atlético Madrid, les trois gros clubs-là. Ouais. On parle de 6 clubs en Angleterre. Écoute, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham. Et avec ça, on a les trois gros clubs en Italie aussi, la Juventus, l'Inter et l'AC Milan. On a deux gros clubs qui manquent, qui ont dit non à l'invitation, Danny. On parle du Bayern de Munich, qui est une des puissances mondiales aussi. Et on parle aussi du PSG, parce qu'on sait que depuis plusieurs années, avec leur propriétaire, ouais, qui est un gars du Qatar, un milliardaire, sont maintenant rendus dans cette classe-là. Mais il faut savoir que ces deux nations-là, ces deux clubs-là, on dit non à l'invitation, mais c'est une grosse bombe. Ça fait beaucoup de ravages, comme tu l'as dit, l'UEFA, pas juste l'UEFA, la FIFA aussi. Hein. On a même dit que si les joueurs participent, on a mis ça du côté des joueurs aussi, qu'ils pourraient manquer des sélections. Donc ça va être des grosses... et on a comme annoncé que ça allait se faire. Là. Fait que je ne sais pas comment ça va aller. Là. Il y a tellement eu de... Il y a un ancien joueur de Manchester United, Danny, qui a dit que c'est un scandale absolu. Gary Neville, qui a joué avec Manchester United, c'est une blague, qui dit. Tous les clubs qui ont accès devraient avoir honte d'eux-mêmes. Fait que tu vois un peu, c'est un peu... c'est une grosse affaire de milliards, de gros dollars. C'est incroyable. Est-ce que... Mais l'UEFA, écoute, en Europe, là, tu sais, l'UEFA qui menace ces 12 équipes-là, mais reste que c'est... C'est les 12 équipes, c'est pratiquement 10 des 12 gros canons de l'Europe. Ben, tu l'as dit toi-même, c'est la Ligue des champions. Comme je te dis, il manque deux gros clubs, PSG et Bayern. Sinon, ouais, c'est les gros canons, les gros canons européens, là, sont tous là. Quand tu parles du championnat espagnol, écoute, depuis des années, c'est ces trois clubs-là qui dominent le championnat espagnol. C'est toute une annonce, mais c'est pas terminé. Là. Même si on a fait des annonces comme ça, là, je crois, ça me surprendrait que ça se fasse. Là. J'ai hâte de voir, parce que à moins que la FIFA part en arrière, il faut savoir aussi que c'est la banque, une grosse banque, une banque américaine, hein, la banque JP Morgan qui est en arrière de ça. On parle que ce soit une des grosses banques aux États-Unis qui on parle de gros milliards de dollars. Là. C'est vraiment une affaire de cash. Pourquoi ils ont fait ça d'abord? Ben, cette histoire-là, ça fait longtemps que ces grosses nations-là veulent ça. Ben, ils regardent un peu ce qui se passe au profil nord-américain. On regarde la NFL, on regarde le basketball américain. Ouais. Faut savoir qu'en Europe, il y a une super ligue de basket qui s'est fait aussi. Hein. Il y a une super ligue de basket qui s'est créée dans ce sens-là. Là. C'est sûr que la grosse ligue dans le basketball, c'est aux États-Unis, mais en Europe, on a créé une super ligue européenne comme ça. Donc, il y a un semblant comme ça aussi qu'on doit regarder. Je ne sais pas, Danny, écoute, on a en arrière... C'est du cash, probablement. C'est sûr que c'est du cash. Puis on a aussi des gens du Qatar en arrière de ça aussi, là, parce qu'on sait que le Real Madrid, c'est le président du Real Madrid, de Florentino Pérez qui est le président de cette nouvelle ligue-là, je ne sais pas trop, là, qui mène le dossier en tout cas. Et en arrière de lui, Real Madrid, ben, il y a les gros intérêts du Qatar. Donc, tu vois, c'est sûr que c'est du gros cash, mais ça pourrait faire mal au football international, la planète foot, comme on appelle, là, au niveau Europe, en tout cas. Là, je ne sais pas, au niveau des championnats, de quelle façon ça va se... Mais c'est carrément la Ligue des champions. Mais en tout cas, moi, je suis pas trop favorable à ce genre de nouveau circuit là, okay, qui briserait toutes les grosses ligues européennes. C'est sûr que ces clubs-là remportent d'année après année des championnats, mais les montants d'argent sont tellement fous à ce niveau-là. C'est un peu ça. On a laissé aller au fil des décennies, au fil des années, T'sais, quand on parle des clubs qui ont des grosses histoires et tout ça, ben c'est sûr que le cash est derrière de ça quand même. Là. Effectivement, on va sauver ça d'après. Puisqu'on est en Europe, on va parler de Joseph Mourinho qui quitte Tottenham. Écoute, Mourinho, qu'est-ce qui se passe avec depuis quelques temps, ben Mourinho il est fait Real Madrid. Est-ce que c'est un entraîneur qui est dépassé? Ça fait longtemps qu'il est là, lui. José Mourinho, il se promène beaucoup là. On dirait qu'au début, ça fait bien. Quand tu regardes son parcours là, tu sais, il a commencé avec Benfica au Portugal. Il a fait un autre club un an seulement. Ensuite, il est allé au FC Porto. Après ça, il s'est retrouvé dans des grands clubs avec Chelsea. Avec Chelsea au moment que Drogba était là à ce moment-là, je pense qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Le Real Madrid de 2010 à 2013, il est retourné en Angleterre à Chelsea pour à peu près 2 ans. Ensuite, Manchester United, 84 matchs, un autre 2 ans là. Et là, il se retrouve, quand Manchester United l'a laissé aller, ben, c'est Tottenham qui est allé le chercher. Faut savoir qu'avec Tottenham, je pense qu'il y a 45 victoires, 17 nuls, 24 défaites. Donc, écoute, je ne sais pas, Mourinho, sa relation avec les joueurs, je crois que c'est spécial. Il a un caractère spécial. C'est un entraîneur qui est très, très spécial. Là. Maintenant, sa relation, je ne sais pas, le club ne gagnait peut-être pas assez suffisamment. C'est un gars de 58 ans, un très beau parcours quand même quand on regarde ça. Là, c'est intéressant de voir ça. Là. OK. Maintenant, le CF Montréal ou anciennement l'Impact qui ont surpris beaucoup de monde en l'emportant 4-2 contre le Toronto FC. Il faut dire qu'il manquait 3 joueurs pour le Toronto FC. Hey, dis-moi, du côté de. Je regardais en fin de semaine, on place l'Impact au dernier rang. Les spécialistes placent l'Impact au dernier rang, ça va pas bien. Il y a eu des joueurs quand même qui ont surpris là-dedans. Oui, ben là, je pense que faut juste savoir que Toronto, Danny, était quand même, on dit l'équipe B, l'équipe C, parce qu'il y a beaucoup de blessés. Toronto a joué 2 matchs en Ligue des Champions contre CONCACAF mercredi dernier et l'autre semaine avant. Il faut savoir qu'ils ont battu un club du Mexique, le FC León, qui n'est pas les meilleurs clubs au Mexique, mais quand même, ils sont allés remporter ce duel-là, match aller-retour. Donc, Toronto passe en quart de finale et on va jouer contre une autre équipe, un autre club mexicain. Mais en fin de semaine, ce qui nous intéresse, effectivement, le club Montréal, le CF Montréal a joué un bon match. Là. Je trouve que le CF Montréal a joué un bon match. Un début de match incroyable à 2 minutes 30, 3 minutes au début. Un but de Mason Toy, un super jeu, beau lancer. Pour pas arrêter son ballon, frapper de balle dans la lucarne, le gardien a été battu. Par la suite, Kyoto reçoit une autre balle et part dans l'aile. Un tir incroyable, un super but dans la lucarne aussi, à gauche du gardien. Enfin, ça faisait 2-0. Fin de demi, erreur de défenseur montréalais. Waterman qui fait une erreur, donc le tireur de Toronto est venu tirer. Le gardien Diop fait l'arrêt, Danny, c'est 2-0, mais l'arbitre juge qu'il a avancé trop vite avant que le tireur tire. Tu sais, il y a un règlement qui dit qu'au moment que le joueur tire, il faut absolument qu'il y ait un des deux pieds qui reste derrière la ligne de gardien, la ligne de but. Et là, le gardien a trop avancé vite. On a repris le tir et on a marqué, ça fait 2-1. Alors, j'ai dit, par deuxième demi, là, on va voir ce qu'on voit souvent dans les années antérieures, surtout l'année passée, une remontée de l'équipe adverse. Mais soudainement, un corner pour Montréal, Wanyama qui saute sur Bradley qui est un des gros joueurs de Toronto. Alors une tête par-dessus les épaules de Bradley, 3-1. Par la suite, un quatrième but, un super jeu aussi, Milahovic qui lance encore dans la lucarne, 4-1. Et en fin de match, 4-2. Belle victoire du CF Montréal. Je pense que on va espérer que ce que les statistiques, les prédictions des spécialistes de la MLS, les gars vont se tromper parce que oui, comme tu as dit, avant-dernier. Mais écoute, c'est embêtant, Danny, on ne connaît pas bien. Il y a 8 nouveaux joueurs. Wilfred Nancy, nouvel entraîneur qui monte la première saison en MLS. C'est questionnable aussi. Donc, pour des spécialistes, on a évalué que le club, mais ça, on n'a qu'un match de jouer. Remarque à voir plus tard dans la saison. Là. Faut dire qu'ils ont pas fait non plus pour que les clubs soient le club. Il n'y a pas eu de grandes acquisitions majeures au cours de la saison. C'est des joueurs méconnus la plupart. Le club est né, c'est négatif autour du club aussi. Donc tout ça mis ensemble quelque part ça aide pas. Effectivement, j'espère que ça sera pas le cas. Quand même, là, mettons que Omi l'idée du rebranding, du nom du club, qui, moi, ouais. ça me chatouille quand même encore. Le descripteur du match, Frédéric Laure, Danny, je ne sais pas comment est-ce qu'il a dit de fois l'impact de Montréal. Ah, ouais. Le long du match, ben oui, c'est, ça reste, veut pas. Là. Je sais que 91.9 sont maintenant rendus avec les droits de radiodiffusion. Mm. C'est Olivier Brett qui est là. J'ai écouté un petit peu. Olivier Brett est excellent. Là. Et donc, vraiment, à voir là, qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Je mets de côté le nom, comme je te disais tantôt, je regarde sur le terrain. J'ai vu un beau match du club du CF Montréal. À voir dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est positif là, sur ce match-là. Là. OK. Benoît Lavoie de espacesoccer.com, la référence soccer 5-Saint-Jean. Gros merci. Yes, merci Danny. Il ne faut pas oublier qu'avec mon émission, ça parle foot au lac. J'ai fait une dernière émission la semaine dernière avec trois anciens présidents du soccer régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de notre 50e anniversaire. Oui. On avait le premier président du soccer régional, M. Denis Larouche, qui a été président de Chibcha. Il a parti le club de Chibcha aussi dans le temps, en 70-71. Ils ont parti l'association régionale d'Annie parce que il y avait les premiers Jeux du Québec. Il fallait qu'il y ait une association régionale pour aller aux Jeux du Québec. Et par la suite, ben, j'avais Rémi Bouchard. Les gars, ils ont fait deux, trois mandats, chacun. Des gars qui ont travaillé beaucoup pour Jonquière et puis le club ça, au niveau du soccer régional. Et j'avais aussi Vincent Joly, qui a été président du club de soccer d'Alma pendant les années 2000, un petit peu après que moi j'ai passé là comme responsable du club, là, alors qu'il y avait 700-800 joueurs. Le fait à marquer, Danny, que je te mettrais, c'est que tu vas trouver ça intéressant, Danny. En 1982, je dirais que c'est un des plus gros faits marquants. Ben oui, c'est sûr que le gros fait marquant, c'est que les clubs, on est allé prendre jusqu'à 5 500 inscriptions. Là, il y a du travail à faire pour reprendre ça avec le fameux COVID. Là. Mais un des gros coups en 1982, imagine-toi donc, Danny, que le Manic de Montréal est venu jouer un match à Jonquière. Le Manic de Montréal, c'était gros, là. Écoute, dans le temps, t'avais 50 000 personnes qui allaient au Manic, là. Le Manic de Montréal, sais-tu comment est-ce qu'ils ont vendu de billets? Combien? 3 000, 3 4 000. Les gars avaient plus de billets. Il fallait qu'ils déchirent les billets en deux pour faire un autre billet. Ça a été un gros coup pour le soccer régional quand même, quand tu dis que le Manic de Montréal est venu jouer un match ici en région. Ouais. Alors, ça a été une belle émission. On verra plus ça, hein? Ben non, on verra plus ça. Si on... Aujourd'hui, on n'est même plus capable de... Mais c'est une autre époque. C'est comparativement, je ne verrais pas un impact venir disputer un match ici, un match amical, même les anciens non. impacts. Ben, moi, je verrais pas un match de l'impact du club de Montréal, c'est sûr, mais je verrais facilement les anciens. Ben oui. Ça, je pense que c'est mais, ça se peut. Ça mais peut les anciens, quoi, aujourd'hui? On revient toujours aux mêmes affaires, hein, des anciens de quoi? Parce que quand tu changes de branding, quand tu changes de nom, tu changes complètement de reset. Donc, c'est ça, là. C'est un reset complet du club. Oui, mais il reste que... C'est comme l'an 1. Ben écoute, de la façon que Gilmour parlait, en tout cas, c'était que c'était une continuité, un changement de nom, mais après que les fans se sont mis à chialer et à critiquer, ils se sont repris un peu sur les réseaux sociaux en disant que comment je te dirais ça, qu'il y avait encore une suite, là, c'est la continuité de l'histoire. Ouais. Et capte-toi pas qu'ils vont tout essayer de garder ça. Donc, ça serait peut-être le temps moi, je dirais, là, quand on va être en mode présentation de match, puis oublie le COVID, là, mettons qu'on dit, ils pourraient facilement dire, OK, on fait deux ou trois sorties dans l'été ou dans l'année dans les régions et on s'en va faire des matchs. On trouve 7-8 joueurs, puis ça peut être un match de soccer à 7, peu importe, ou après ça, tu invites des gens de la région. Ouais. Mais ça serait facilement organisable. À mon avis, des matchs des anciens de l'Impact. Bon, on se reparle bientôt, Benoît Lavoie d'espacesoccer.com. Yes, salut Daniel.